La délégation du journal vietnamien Nhân Dân, arrivée à Pyongyang par avion le 31 octobre, a déposé des bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de s'incliner.